Chapitre 12e. Derrière la toile. Deux jours après, une voiture s'arrêta devant l'hôtel Bussiardin. Un jeune homme pâle et souffrant en descendit. Il demanda la duchesse. On l'introduisit dans le petit boudoir. « Qui annoncerai-je ? » demanda le valet. « Portez cette carte, » répondit le jeune homme. La petite fleuriste entrevit le nom qui était sur la carte, que le domestique lisait, et courut chez sa maîtresse, dont elle était déjà l'enfant gâté. « Madame, lui dit-elle, c'est monsieur Gaston d'Erfurt. » Quand le domestique présenta le nom, Adrienne sortait déjà de sa chambre pour venir embrasser son amant. « Je sais, » fit-elle. Le valet regarda autour de lui. Il n'avait pas vu la jeune fille. Adrienne trouva Gaston occupé à examiner son portrait, une miniature charmante signée Isabelle. La jeune femme s'arrêta et demeura un instant immobile à le contempler. Son cœur battait violemment. Sa robe fit un léger bruit. Gaston releva la tête. Elle s'avança vers lui et ils se pressèrent dans une longue étreinte. Elle baisait les cheveux de son bien-aimé quand elle sentit tout à coup les bras nerveux qui entouraient sa taille se détendre puis tomber. Une excessive pâleur envahissait le visage de Gaston et ses yeux se voilaient. Il s'affaissa. Adrienne poussa un cri. Gaston était évanoui. « Dieu, du sang !» continua-t-elle avec égarement en voyant la chemise du jeune homme se rougissant sur la poitrine. « Ils me l'ont tué !» Elle sonna. « Vite, du secours, un médecin, Jenny, aide-moi à le rappeler à la vie !» Le blessé rouvrit peu à peu les yeux. Son regard rencontra celui d'Adrienne. La jeune femme pleurait. « Parle, mon bien-aimé, que t'ont-ils fait ? » lui demanda-t-elle en l'embrassant. « Ils ne m'ont pas tué, mon cher cœur, » répondit Gaston, dont la voix revenait peu à peu. « Seulement tu m'as pressé un peu trop fort sur ton cœur. »« Je ne veux plus te quitter, » reprit la duchesse, sans prendre souci des yeux qui étaient là. Le médecin arriva, il pansa la plaie. « Vous le sauverez, » dit la jeune femme à genoux, « n'est-ce pas, docteur ?»« Nous le sauverons, » répliqua le médecin en souriant. « Mais la rechute pourrait être pire que le coup. Il faut de grands ménagements et surtout, » ajouta-t-il en prenant la main de la duchesse, « pas d'émotion. »« Je serai forte, » dit la jeune femme qui tourmentait avec frénésie la main de Gaston. On transporta le blessé dans une chambre attenante à celle d'Adrienne. Madame de Bussiardin s'installa garde-malade. Le duc ne tarda pas à être informé de ce qui se passait. Il vint trouver sa femme au chevet du cher blessé. « Madame, je voudrais être malade pour être soignée de la sorte. Mais je ne le mérite pas. Je ne me suis pas battue pour vous. » continua-t-il sur un ton de mirailleur. Adrienne, sans songer que c'était son mari à qui elle parlait, sollicita qu'il lui racontât ce qui était arrivé. À chaque mot que prononçait le duc, Adrienne, anxieuse et sans souci des impressions de son cœur qui se peignaient sur son visage, en sollicitait un autre du regard. Gaston s'était assoupi. Adrienne prit le bras de son mari, s'y suspendit affectueusement et sortit de la chambre où elle envoyait Jenny pour la remplacer. « Vous l'aimez donc bien ?» lui demanda le duc en flattant les deux petites mains mignonnes qu'elle avait jointes autour de son bras. « Si je l'aime, je l'adore, » répondit la femme mariée. « En vérité, vous êtes trop franche pour qu'on vous gronde, » repartit le grand seigneur M. de Bussiardin. Alors, la pauvre Adrienne devint pâle comme sa main blanche. Elle s'aperçut que l'homme auquel elle faisait l'aveu de son amour adultère était son mari. Elle dégagea rapidement son bras de celui du duc. Celui-ci la retint. « Ne vous effarouchez pas, ma chère. Vous avez, il est vrai, choisi un singulier confident. Mais vous auriez pu en choisir un moins bon. » Le mari de la duchesse s'appuya sur ce dernier mot. « Quant à vos devoirs d'épouse, » continua-t-il, « je ne vous en parlerai pas. Il y a eu entre nous un accord tacite. Seulement, laissez-moi vous dire que vous agissez avec la dernière imprudence. Vous êtes libre. Encore est-il qu'il faut conserver les apparences. Le monde est ainsi. Chacun a le droit d'agir à sa guise, mais les convenances exigent certains sacrifices. La duchesse de Bussiardin ne saurait décemment recevoir son amant dans sa propre maison. Du moins, ajouta-t-il en souriant, au vu et au su de tout le monde. » Adrienne sentit à ces mots bouillonner son sang, et la fille de caste, fière, hautaine, orgueilleuse de son sang, reparut. Elle avait bien pu, dans un moment d'égarement, de folle passion, dire à son mari, et cela avec une naïveté d'enfant qui la faisait excuser, qu'elle aimait quelqu'un, mais elle ne pouvait souffrir de voir le ton de ses railleries et l'impertinente politesse avec laquelle ce mari recevait cette confidence. Adrienne de Taillecouze regarda superbement le duc. « Dès que M. Derfurt pourra être transporté sans danger, il ne demeurera plus à l'hôtel. »« Fort bien compris, » répondit le gentilhomme avec son flegme accoutumé. « Vous êtes, Adrienne, la femme de meilleur ton, de meilleur air, et la plus spirituelle que j'ai de ma vie rencontrée. Quel dommage que vous soyez ma sœur. J'enverrai ce soir mes gens s'informer du cher malade. Sa présence ici est à s'expliquer par son duel avec M. de Chénois. » Au moment où le duc sortirait, Adrienne ouvrit la bouche pour répondre, mais la parole se changea en un sourire aussi dédaigneux que possible, digne de la fille de race et de la femme outragée. Pour suivre le conseil de Madame de Neuburg, M. de Chénois avait épié l'occasion de se débarrasser de Gaston, et il n'avait pas dû chercher longtemps. Le soir du jour où Derfurt avait quitté pour la dernière fois l'hôtel de la Duchesse, on lui remit un billet de Narsac qui l'invitait à passer la soirée chez lui. M. de Chénois y était. On joua beaucoup et l'on causa de même. La conversation roula naturellement sur les femmes à la mode et nécessairement sur Adrienne. L'auditeur parla en termes fort inconvenants de la duchesse. Longtemps Gaston se contint. Cependant, comme la conversation dégénérait en diatribe sanglante, comme M. Duchesnois n'hésita pas à lui nommer un amant, Derfurt se leva et dit à ce dernier qu'il en avait menti. Il fallait une réparation. Le duel eut lieu le lendemain à 3 heures à Bougival. Gaston avait demandé à son ami Narsac de lui servir de second. Le journaliste s'y était refusé en objectant qu'il avait peur d'être inquiété, qu'ensuite ses relations amicales avec M. de Chénois ne lui permettaient pas de se déclarer contre lui. Le jour de la rencontre, le temps était très froid. Il était convenu que si les épées cassaient, le duel serait terminé. À la première passe, l'épée de M. de Chénois atteignit le côté droit de Gaston et se brisa dans la plaie. On ne put extraire le fer immédiatement. Gaston fut retenu au lit quelques jours. C'était cet accident qui l'avait empêché de venir rue de l'Oratoire. Le jour où il y était allé, il était encore sorti trop tôt. La blessure avait paru très dangereuse et avait causé le premier et le second jour de longues défaillances. Narsac était venu le voir le lendemain. Profitant d'un de ces moments de défaillance, il lui avait enlevé le saphir. La baronne s'était chargée du reste. Quant à l'auditeur, il avait jugé prudent d'accepter sa mission en Russie.